19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Elle a côtoyé la Milo et Samothrace, provoqué émoi et trouble, mais sa singularité a suscité surtout nombre de questions, au point pour certains d'y voir quelques princesses de l'Atlantide aux origines extraterrestres. Prêtresse ou divinité, pièce majeure des sociétés méditerranéennes antiques, la dame d'Elche est désormais au monde ibérique ce que la Diane d'Éphèse est à l'Asie mineure et incarne à elle seule la grandeur d'une civilisation passée à défaut d'être engloutie. Ce soir, le magazine d'archéologie de France Culture ne retracera pas l'histoire, mais les multiples vies, le destin de cette sculpture à la troublante beauté, celui de ses origines, le 5e siècle avant notre ère, de sa découverte bien entendu, mais aussi celui de son intégration dans l'idéologie franquiste en tant que symbole d'une Espagne éternelle. Pour en parler, Marlène, Albert Liorca, Pierre Rouillard, bonsoir. Bonsoir. Agrégé de philosophie, Marlène Albert Liorca, vous êtes professeur émérite à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Avez beaucoup œuvré autour du statut cognitif, des fonctions sociales, de l'image religieuse. Archéologue à la croisée de trois mondes, ibère, grec et phénicien. Pierre Rouillard, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, avez dirigé la maison de l'archéologie et de l'ethnologie à Nanterre, la plus puissante concentration d'archéologues en France. Ce que vous nous proposez tous deux, c'est tout d'abord un livre édité à la Casa Velázquez, La Dame d'Elche, un destin singulier, mais aussi un autre ouvrage autour de l'archéologie et de la géologie de ces statuaires des carrières en archipel, paru lui aussi aux éditions de la Casa Velázquez. Pierre Rouillard, tout commence, ou du moins recommence, par le hasard de travaux. Nous voici le 4 août 1897. Oui, c'est un jour normal dans la vie d'une ferme, en quelque sorte. Des ouvriers agricoles préparent le terrain pour des plantations et, stupeur, un bloc différent des autres. Il s'agissait d'une sculpture, d'un buste féminin en pierre. Il est immédiatement présenté à la population de la ville d'Elche, qui se situe à 20 km au sud d'Alicante. Et l'écho local est évidemment très important. On l'appelle la Vierge... La Reina Mora. Nous sommes dans un terrain quand même qui a été très marqué par l'influence musulmane. Et puis, il y a un phénomène de hasard. Il se trouve que dans cette région, à Elche, passait à ce moment-là un archéologue français, Pierre Paris, qui est un helléniste. Il avait été membre de l'école française d'Athènes, mais qui s'intéressait à l'Espagne et qui était envoyé avec une bourse qui lui avait été fournie par le journal L'Illustration pour faire un reportage sur le mystère, la représentation qui a lieu chaque année au 15 août, du mystère d'Elche, qui est un drame religieux. Il est mis au courant parce que, depuis quelques années déjà, des archéologues français traversaient ces régions, avaient des contacts avec les archéologues locaux, des amateurs éclairés, et Pierre Paris s'est bien sûr très rapidement informé, et dans un processus d'une rapidité tout à fait exceptionnelle, on ne peut pas rêver de cela aujourd'hui. En 15 jours, il arrive à négocier avec le musée du Louvre l'acquisition de cette pièce effectivement exceptionnelle. Cette sculpture remonte au 5e siècle, mais que sait-on donc sur cette période en Espagne? Écoutez, en 1897, on ne sait pas grand-chose. Et aujourd'hui? Écoutez, bien sûr, les archéologues ont beaucoup travaillé, et il est vrai, flagornerie, le rôle de Pierre Paris a été bien sûr extrêmement important. La découverte de la Dame d'Elche a été un moment clé dans le développement de l'archéologie espagnole. Et les archéologues français ont joué un rôle important avec le personnel directeur du musée de Madrid, par exemple, Mélida, ou avec, bien sûr, toute une série d'érudits locaux. Donc, un démarrage très tardif de connaissance de l'archéologie ibérique, une activité qui était encore relativement faible, et surtout, en 1897, on connaissait, en termes de sculpture, celle qui était déposée dans un sanctuaire situé dans la région d'Albacete, à une centaine de kilomètres d'Alicante, et puis quelques sculptures seulement. C'est-à-dire que la Dame d'Elche n'entre dans aucune série au moment où elle est trouvée. D'où les questionnements qui ont existé ensuite dans la communauté scientifique. Marlène Albert-Liorca, d'où vient cette rare beauté? Certains parleront plus tard de magnétisme, de vibration. Alors, il y a une vraie émotion quand on la voit. Oui, je pense qu'il y a une émotion. C'est une statue, effectivement, d'une, je sais pas, Pierre Paris dit d'une troublante beauté ou d'une étrange et troublante beauté, il a raison. Parce que il y a un contraste dans ce buste entre le classicisme du visage, très hiératique, n'est-ce pas? Et elle est coiffée de part et d'autre. Il y a d'énormes rouelles. Ces énormes rouelles qui encadrent le visage, ça donne à cette statue une allure tout à fait singulière, quoi, tout à fait étrange. Ça explique que les gens d'Elche, dans un premier temps, ils disent c'est une reine maure, une reine mauresque, n'est-ce pas? Mais on a dit aussi après une princesse de l'Atlantide, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'identités qui ont été collées, quoi, si j'ose m'exprimer ainsi, à la Dama d'Elche, pour essayer de comprendre ou d'expliquer, entre guillemets, hein, cette beauté étrange, effectivement. Pierre Rouillard, c'est quoi ces rouelles, ces sortes de gros anneaux? C'est du cheveu? C'est par exemple ce que portera en 1929 la señorita Pepita Samper, première Miss Europe, qui vient d'ailleurs poser près de cette sculpture extraordinaire? Ou c'est de la parure en métal? Oui, c'est probablement de la parure en métal. Ensuite, il est vrai qu'il y a toute une iconographie est née et tout un style de traitement des cheveux est né, inspiré par la Dame d'Elche. Mais il faut bien dire une chose, c'est que les dames du pays valencien portent quelques signes encore de ces tiares, de ces accoutrements que portait la Dame d'Elche, d'où là aussi toute une littérature sur une filiation entre l'Antiquité et nos jours. Marlène. Tout simplement, Pierre, moi j'enlèverai encore, non pas quelques signes encore, parce que ça laisse supposer que la dame, que c'est parce que la dame les porte que les Valenciennes. Bon, les Valenciennes, oui, la coiffure de fête, mais c'est pas la seule région d'Espagne en vérité, portent des tresses enroulées. Bon. Et donc on a conclu qu'il y avait effectivement un rapport généalogique entre eux et un rapport de filiation, je dirais, un héritage direct entre les Ibères et la civilisation ou la culture valencienne. 2500 disons. Ans, quand même, ouais. C'est beaucoup. Et oui, mais les continuistes existent. Cette sculpture, donc, remonte au 5e siècle, on l'a dit, mais les Ibères sont un peuple sans écriture, ou presque, mais c'est une des civilisations les plus originales de l'âge du fer en Europe. Pour une raison très simple, c'est-à-dire que la péninsule ibérique a été fréquentée par toutes les populations qui ont circulé en Méditerranée. Les Phéniciens, les Grecs, également, non méditerranéens, les Celtes. Donc, si vous voulez, vous avez un rassemblement assez considérable. Tout cela fait que la civilisation ibérique, la culture matérielle ibérique, est un phénomène d'hybridité parfaitement assumé. Alors nous voici donc à la croisée, vous le dites, de plusieurs cultures, ibère, phénicienne, grecque. Le cartel du Louvre, d'ailleurs, de cette sculpture est assez édifiant, puisqu'il y était écrit « style gréco-phénicien de l'Espagne ». Ben écoutez, oui, la Dame d'Elche arrive à l'automne 1897 à Paris, et les collègues du Louvre, je pense à Euzé, je pense à Edmond Potier, sont un peu confrontés à une pièce qu'ils ne savent pas intégrer dans leur collection. Donc on met cette pièce dans le département des antiquités orientales. Mais il y avait également des objets qui n'étaient pas totalement orientaux. Donc et de tradition orientale. Tradition orientale. Et on a appelé ça la cote, c'est AM, Antiquité méditerranéenne. On a fourgué les pièces de Chypre et les pièces d'Espagne. Si bien que la dame d'Elche porte toujours, et ça n'a jamais été effacé, un numéro peint AM879. Et à l'automne 97, la filiation grecque ou phénicienne n'était pas claire. Soyons précis, elle ne l'est pas non plus vraiment aujourd'hui. Donc nos collègues du musée ont pris cette position, j'allais dire, proche du en même temps, style gréco-phénicien. Ah, que sait-on du contexte de la découverte? Qu'était Elche au 5e siècle avant notre ère? Alors, Elche au 5e siècle avant notre ère était probablement déjà la grande cité. À la fin du 5e siècle, c'est déjà la grande cité. Elle dispose d'un port que nous avons eu la chance d'étudier à Santa Pola, au lieu dit La Piccola, qui a fonctionné pendant un petit siècle. Et c'est probablement la cité autour de laquelle s'organisait la région, cette région sud d'Alicante, près de l'embouchure du Ségoura, embouchure où déjà à la fin du 8e siècle s'étaient installés des Phéniciens. Alors, la dame d'Elche est intacte, mais la statuaire des 5e, 4e siècles avant notre ère est souvent brisée, peut-être preuve d'un iconoclasme inexpliqué. Inexpliqué, non, je crois, parce que si vous voulez, ce phénomène de destruction des sculptures est un phénomène que l'on observe dans de très nombreux sites. On l'observe à Elche, on l'a observé, nous, dans nos fouilles à Cabezo-Lucero, on l'a observé dans bien d'autres sites. Et je pense qu'à un certain moment, la monumentalité, l'ostentation dont était le signe de la sculpture ont été refusées. Je pense que l'explication est à chercher dans une crise sociale. Et il y a des débats entre nous. J'avais un peu tendance à penser que c'était un mouvement qui se situait vraiment autour de 400, enfin, autour d'une génération, si vous voulez. Certains de mes collègues pensent que c'est un phénomène qui a pu durer un peu plus longtemps. Mais on a effectivement, et c'est vrai dans la région valencienne, c'est vrai en Andalousie, vous avez des phénomènes de destruction de sculptures. La monumentalité est refusée. Pierre Rouillard, racontez-nous, vous avez découvert une dame de la sorte, justement avec ses grosses rouelles sur les côtés, dans vos fouilles en Espagne? Alors, cette dame dite de Cabezo-Lucero a été trouvée dans le site que j'ai fouillé pendant 5 ans. Vous savez, j'ai un énorme défaut. Quand j'ai fouillé pendant 5 ans, je m'arrête de fouiller pour publier. Et mes collègues ont continué sans moi, ils avaient totalement raison, et ils ont trouvé cette dame. Donc ce n'est pas ma découverte, c'est la découverte sur le site sur lequel j'ai eu le bonheur de travailler. Donc c'est extrêmement important, parce qu'à ce moment-là, la dame d'Elche n'était plus seule, elle rentrait dans une série certes très courte, mais toute la polémique qu'il y a eu à un moment sur l'authenticité de la dame d'Elche s'effondrait d'elle-même. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Pierre Rouillard, avec Christian Montenat, grand géologue qui vient de disparaître et dont nous saluons la mémoire, vous vous êtes lancé dans une étonnante étude, retrouver le lieu de production, donc la carrière où aurait été produite cette dame d'Elche. Alors c'est le travail effectivement de Christian Montenat qui a été un compagnon de travail tout à fait merveilleux et qui nous a bousculé, il faut le reconnaître. Il avait, dans son travail de thèse, reconnu la carrière dans laquelle avait été façonnée la dame d'Elche. Et au moment de l'exposition sur les Ibères, que nous avons eu la chance de diriger entre 97 et 98 au Grand Palais, eh bien, il s'était intéressé à la provenance des pierres, des différentes sculptures qui étaient présentées effectivement à ce moment-là au Grand Palais. Et il nous a incité du Pierre, tes collègues, aller étudier ses carrières. Et puis, là encore, le hasard. Le hasard merveilleux d'un étudiant de Christian Montenat, Cyril Gagnaison, qui, faisant un travail de prospection, mais de géologue, a trouvé une ébauche de sculpture dans les éboulis de ses carrières de ferriole. Donc, la dame d'Elche est une production locale. Reste à savoir peut-être l'influence du sculpteur, mais elle est locale. Alors, la pierre est locale. Très probablement, dans les carrières, était ébauchée la sculpture. C'était pas la peine de descendre un bloc énorme d'un mètre cube pour en faire une petite tête de 50 cm de haut. C'est le témoignage que nous apporte cette découverte fortuite. Ensuite, la finition probablement se faisait dans un atelier à Elche. Et il y a un lien, bien sûr, entre cette sculpture et les sculptures du monde grec. Le cheminement nous est inconnu. Le sculpteur de la dame d'Elche connaissait bien sûr, l'art grec. Ce n'est pas un sculpteur grec qui est venu, je ne pense pas, parce que trop de signes, si vous voulez, sont strictement ibères, mais il y a eu un moment de rencontre que malheureusement, nous n'arrivons pas à vraiment décrypter. Marlène Albert-Lurka, votre point de vue ? Alors oui, non, moi je relève la question du local, n'est-ce pas ? Parce que je pense que c'est très important par rapport à ce qui a été ensuite, au XXe siècle, la valorisation identitaire de la dame, aussi bien à Elche que dans le pays valencien. Nous sommes dans le sud de la Comunidad Valenciana, au sud du pays valencien, et quelqu'un qui a été archiviste et qui a écrit des tas de sottises, moi je dirais, il écrit un texte dans lequel il explique que la Dama d'Elche, elle est la fille de la terre d'Elche, n'est-ce pas ? Nous sommes en plein franquisme, n'est-ce pas, à ce moment-là ? Parce que, de fait, les gens d'Elche savaient que tous les monuments d'Elche, en tout cas la basilique Santa Maria, avaient été faits. Ils savaient, parce que ces carrières, elles ont une très longue durée d'exploitation. Alors, ils ne savaient pas de façon scientifique. Mais l'idée que la dame, elle venait de la Cantera del Ferriol, Ibarra l'écrit en 1890 et quelques. Voilà. Dès les années 1900, la dame d'Elche est source, bien sûr, d'inspiration, notamment dans l'art. On la voit en Gyptis à Marseille, en Salambo. Oui, et on la voit aussi en Espagne, ensuite, sous divers visages, je dirais. Un sculpteur qui s'appelle Ignacio Pinas, adepte de l'art nouveau, peint une ofrenda, une offrande et une statue. La dame d'Elche, toute nue, n'est-ce pas ? Innocent. À nu, avec une coupe, des fleurs, l'image de l'abondance, qui est sans doute la vision qu'il a des sociétés dites païennes. Il peint aussi un buste qui s'appelle Pagania. Bon, mais en même temps, c'est aussi Valencia. Non, Valencia qui, en Espagne, parce qu'il y a les orangers, en fait, etc., c'est le jardin de l'Espagne, et donc... Et donc, les Ibères, la dame, c'est l'allégorie de cette richesse de Valence. Pierre Houillard, tout le monde s'y intéresse, hormis peut-être Picasso ? Picasso a été très marqué par l'art ibérique, par les sculptures de Cerro de los Santos. Et pour avoir travaillé depuis quelque temps sur l'œuvre de Picasso, j'ai la quasi-certitude qu'en aucun moment, il n'a trouvé dans la dame d'Elche la moindre inspiration. Mais Marlène, elle a une idée là-dessus. Les demoiselles d'Avignon. Effectivement, les trois jeunes femmes qui sont sur la gauche du tableau, ou l'étudiant qui était sur la première version de Les demoiselles d'Avignon, sont très fortement inspirées par les sculptures du Cerro de los Santos, mais la dame d'Elche ne l'a pas du tout marquée. De toute manière, on la compare un peu à tout. On la compare à la dame à l'éventail de Velázquez, dans une sorte de continuité des mondes ibères et espagnols. Voilà, il y a une sorte de mystère, tant dans la dame à l'éventail que dans la dame d'Elche. Il y en a aussi dans le Gilles de Watteau, par exemple. Les intellectuels catalans et de Valence ont voulu, dès les années 1920, que leur région soit les héritières des ibères, avec une sorte d'idée de renaissance. Non, il y a un mouvement qui s'appelle la Renaissance, à cette époque-là, en Catalogne, dans le pays valencien, dans une moindre mesure. C'est parce qu'il y a l'idée de la Renaissance, qu'il faut œuvrer à la Renaissance du catalan, dont l'usage a été interdit, l'usage écrit, n'est-ce pas, du catalan, de la culture catalane, etc. Bon. Et chaque fois qu'il y a un nationalisme, et en Espagne, ces régions-là, enfin, les revendications identitaires de ces régions-là, on ne dit pas qu'elles sont régionalistes, on parle de nationalisme périphérique, n'est-ce pas ? Bon. Et chaque fois qu'il y a une construction nationale, on sait très bien qu'une nation a besoin de se trouver des ancêtres. Nous avons les Gaulois. Eh bien, eux, ils se sont trouvés les Ibères pour des tas de raisons, parce qu'il y avait beaucoup de vestiges, etc. Bon, et plus encore dans le pays valencien qu'en Catalogne. D'où la valorisation aussi identitaire de la dame d'Elche. Elle est le chef-d'œuvre de l'art ibérique. Et les Français l'ont reconnue. Oui, l'ont reçu en 14 jours. Le Louvre. Ça fait un label, ça. Après 40 ans donc exposés au Louvre, pourquoi donc Philippe Pétain restitue-t-il ce chef-d'œuvre à Francisco Franco ? Alors, il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que Pétain veut s'assurer la neutralité de Franco par rapport aux puissances de l'Axe. Et donc, pour s'assurer la neutralité de Franco, il lui offre de lui restituer un certain nombre d'œuvres d'art importantes. La France restituant aussi des œuvres d'art, mais quand même, là, l'échange a été très inégal, il faut bien le reconnaître. Et les deux pièces majeures côté espagnol, c'est La Dama d'Elche y La Immaculada, la Vierge Immaculée de Murillo, volée par les troupes napoléoniennes. Pierre Rouillard, dans une sorte d'opposition à ce retour, le Louvre conserve toujours dans ses registres le numéro d'inventaire de La Dama d'Elche. Les conservateurs sont toujours très conservateurs. Non, on va pas dire ça. On va dire ça à nos amis. De toute façon, on ne détruit jamais un cahier d'inventaire. Donc le cahier d'inventaire, il est là avec AM879 et les fichiers qui ont été les fichiers manuels ou écrits au crayon que le Louvre conserve pieusement contiennent toujours l'affiche AM879. Marlène Albert Liorca, de fait, Pétain restitue deux œuvres donc à l'Espagne, vous le disiez, La Dame d'Elche, mais aussi une œuvre de Murillo, l'Immaculada, la Vierge Immaculée, deux entités féminines à qui on va rendre hommage en commun, voire rendre peut-être même un culte. Non, je n'irai pas jusque-là, mais il y a une photo tout à fait intéressante dans le journal Avanguardia en 1941 qui représente la salle du musée du Prado, où la dame et les autres objets récupérés par l'Espagne ont été exposés. Et la photo, c'est extraordinaire parce qu'on voit au premier plan, en bas, La Dama de Elche, et au fond, La Immaculada, le tableau de Murillo, la Vierge Immaculée, très important pour les Espagnols, le culte de l'Immaculée Conception. Et donc, on a une espèce de mise en vis-à-vis extraordinaire de la divinité païenne, et je dirais presque de la divinité chrétienne, n'est-ce pas? Et à Elche, c'est quelque chose qui, là, on peut être sûr maintenant que ça a joué, enfin moi j'en suis sûr en tout cas, parce qu'un érudit local réinvente en 1944, le récit de la découverte de la Dama d'Elche, en calquant son récit sur les légendes de découverte de ce qu'on appelle les statues miraculeuses de la Vierge. Un légendaire très répandu, dans lequel on dit qu'un petit gamin, un berger souvent, découvre la statue de la Vierge miraculeusement dans une grotte ou sous la terre. Et là, il explique que c'est un petit gamin de 14 ans qui était venu travailler avec ses parents, qui découvre la statue. Et comment elle est, cette statue? Elle est en position normale et entourée de lauzes, comme dans une chapelle. Comme sur un autel, quoi. C'est extraordinaire. Et donc là, on a un jeu d'écho entre les légendes de découverte de la Vierge et le récit de découverte de la Dame, plus deux entités féminines qui invitent forcément à les rapprocher. Cela voudrait dire, par exemple, que la Dame d'Elche pourrait s'intégrer à ce que l'on appelle à partir du XVIe siècle en Espagne ces vierges miraculeuses? Non, ça je crois pas. Ça reste à l'état latent, quoi. Bien qu'à Elche, on a deux ou trois articles de journaux. Il y a eu une enquête aussi dans laquelle plusieurs personnes ont dit, une enquête par questionnaire. Parce que la Vierge d'Elche aussi a une origine miraculeuse. Elle serait arrivée par la mer dans une arche portée par les flots. Bon. On a des rapprochements, mais quelqu'un m'a dit, la Dama d'Elche, on ne la prie pas, on ne prie pas devant elle. Et ça, c'est effectivement, je pense c'est lié à la morale chrétienne. Personne ne peut confondre quand même dans une société catholique, aussi catholique que l'a été l'Espagne, il est encore en partie, une statue d'une divinité antique, disons, si c'est à cela qu'on l'identifie obscurément, et la Vierge Marie. Mais il n'en reste pas moins que cette espèce de parallèle, de rapprochement latent, fait que ça contribue à sacraliser la Dama d'Elche. En tout cas, dans cet état fasciste, national, catholique, devrait-on dire, la Dama d'Elche joue désormais un rôle. Si les fascistes de la Falange se revendiquent des Celtes, le franquisme va trouver dans la Dame un symbole de l'Espagne éternelle? Oui, bien sûr. Il y a eu un débat en Espagne entre les partisans de la Falange, qui était le parti germanophile, qui était pour l'origine, qui disait que l'origine de l'Espagne, c'était les Celtes. Bon, d'autres disaient les Ibères, on a fait une conjonction en disant que c'était les Celtibères, et la Dame pouvait devenir à ce moment-là, effectivement, un des symboles des origines de l'Espagne, et avec, comme dans tout nationalisme, n'est-ce pas, comme dans toute construction nationaliste, l'établissement d'une continuité parfaite entre les Ibères et l'Espagne. Et donc, c'était le visage de l'Espagne éternelle. Bon, en plus, il y a eu des délires assez rigolos sur le fait qu'elle était couverte de voiles et que donc, c'était la chrétienne avant l'heure, pudique, prude, grave, enfin, etc. Toutes les vertus de la femme chrétienne. En tout cas, les républicains l'avaient aussi réclamé bien avant. Absolument. Et ça, c'est très important. Mais absolument. Les républicains, absolument. Je pense que là, le patriotisme, enfin, comme on voudra, l'attachement, enfin, mon père, qui se disait anarchiste, il expliquait, comme Salvador Dali, que la dame était la plus belle statue du monde, n'est-ce pas? En tout cas, Elche a bien entendu réclamé le retour de la sculpture, car ce qui est important, c'est que la dame incarne aussi l'identité valencienne. Oui, absolument, mais cela, bien sûr, seulement après le franquisme. Avec le retour de la démocratie, lorsque les revendications locales et régionales ont pu se faire entendre. Alors, il faut dire aussi que elle a donc une forte valeur identitaire pour la ville, et qu'il faut rappeler qu'à Elche, on commémore le jour de la découverte de la dame, hein, de la dame d'Elche. On se déguise même en dame, vous allez hurler. C'est ce qu'on appelle la dame vivante. Oui, la dame vivante, oui. Il y a une femme, effectivement, qui s'habille avec ce qui serait les habits présumés de la dame d'Elche, et il y a une commémoration à l'endroit présumé, là aussi, de la découverte. Précédée par elle, marche en tête, voilà. La jeune femme qui joue le rôle de la dame vivante. Tous les illicitains hurleraient s'ils vous entendaient dire qu'elle est déguisée. Elle s'habille en dame et d'une certaine façon, elle est la dame. Questa vestida. Marlène Albert-Lurca, Pierre Rouillard, merci beaucoup. Je rappelle donc le titre du livre que vous avez écrit tous deux, La Dame d'Elche, un destin singulier, donc publié à la Casa Velázquez. Et puis Pierre Rouillard, l'ouvrage que vous avez écrit donc sur les carrières avec Christian Montenat, des carrières en archipel, donc à la Casa Velázquez. En cette fin d'émission, je salue la mémoire d'une grande dame, Anne-Marie Romero, journaliste et plume du Figaro, spécialiste de l'archéologie du patrimoine. Ses enquêtes acérées ont fait trembler plus d'un cabinet ministériel, celui de la culture notamment. Première à avoir évoqué la grotte Chauvet dans la presse, elle était notamment venue dans notre magazine pour nous commenter son enquête sur le terrain au cœur du conflit irakien. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Pierre Montaille, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place au pillage des antiquités en période de Covid.